Pulsasso Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pépinière en Fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Pulsasso Radio, bonjour et bienvenue à toutes et tous au cœur de 4 heures d'association radiophonique. Car oui, vous nous écoutez en simultané sur Fadjet, RCN, Radio Campus, Radio Graffiti et Radio Déclic. Maintenant, un peu de contexte, nous sommes en direct de la Pépinière de Nancy. Doux soleil automnal, petit studio mobile, juste à côté du grand chapiteau des Nancy Jazz Pulsation, de 14h à 18h pour vous faire vivre la Pépinière en Fête. Alors la Pépinière en Fête, vous le savez peut-être, mais c'est plein de concerts gratuits, des allées du parc jusqu'au Magic Mirror et bien sûr sous le grand chapiteau blanc. Ici au centre de la Pépinière. Venez nous voir d'ailleurs, hein, le long du chapiteau dans la tente restauration. C'est là que se trouve notre petit studio mobile. Pour le programme des 4 prochaines heures à venir. Alors on aura des interviews de groupes et artistes programmés aujourd'hui, mais pas que, puisque nous aurons également autour de la table des membres et artisans du Festival des Nancy Jazz Pulsation 2022. Une grosse machinerie, et nous allons d'ailleurs commencer par une discussion avec le capitaine du navire, programmateur et directeur Thibaut Roland. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Thibaut, je suis très heureux qu'on t'accueille ici pour démarrer cette émission spéciale en direct de la Pépinière en Fête. Thibaut, alors qu'il y a déjà les lunettes de soleil, est-ce que ça veut dire beaucoup de fatigue déjà, mon Thibaut? Ça veut dire beaucoup de soleil. Ouais, surtout. Oui. Bon, mais alors... oui, j'ai dormi 4 heures, ouais, j'ai fermé le Magic à 5h30. Donc ça y est, c'est parti depuis déjà quelques jours. Ça fait une semaine. Et voilà, exactement, et il reste encore une belle grosse semaine qui arrive avec... Quelle programmation, on va en parler dans quelques instants. Si tu veux bien, j'avais envie qu'on démarre un peu cette émission par te présenter toi, parce que tu es le directeur de cette magnifique structure qui est le NJP, qu'on connaît et pour laquelle on est présent aujourd'hui dans le cadre de ce festival. Et on est très heureux et on est présent dans le cadre de ce festival, mais le NJP, c'est pas que ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu un mot sur l'organisation du Nancy Jazz Pulsation et plus généralement de tout ce que vous faites autour? Qu'est-ce que NJP en gros, c'est ça? Eh oui, c'est ça. C'est un festival qui est... particulier dans le paysage français parce qu'il dure 15 jours et pas en été, il dure 15 jours en automne dans une région qui est censée être humide et froide et puis en fait on se rend compte que il fait beau et chaud finalement et ça dure 15 jours, il y a plus de 150 concerts, des concerts payants du WIN, il y a environ une centaine et puis beaucoup de concerts gratuits aussi dans les bars, dans les marchés, dans les rues, dans les hôpitaux, dans les maisons des étudiants, etc., etc. Et dans les écoles, il y a 44 séances scolaires aussi en parallèle. Enfin bref, c'est un festival aussi qui se déploie dans toute la région Lorraine avec des concerts du Nancy Jazz Tour, donc des concerts décentralisés d'artistes qu'on fait venir au festival et à qui on book en gros 6, 7, 8 dates. Ouais. C'est un festival dit de jazz en effet, puisque il en porte le nom. Il a commencé dès 73, il y a 49 ans, et oui. Avec Ray Charles par exemple, si on ne veut citer qu'un seul nom de la première édition, donc jazz et blues. Et puis assez vite, dans les années 80, il s'ouvre aux musiques du monde, dans les années 90 aux musiques dites musique amplifiée à l'époque, musique actuelle de ce qu'on dit aujourd'hui. Donc par exemple, en repère, on a Daft Punk en 97, on a Camille, M qui font leur début. Et en fait, c'est un festival qui est intéressant parce qu'il y a une exigence dans la prog qui reste quand même assez populaire, mais voilà, il y a un certain regard qui permet de pas tomber dans la variété, il me semble, et en même temps, il y a beaucoup de pépites et de petits artistes inconnus à découvrir, avec un tiers de jazz, mais aussi voilà. Alors c'est ça. Là, tu viens de devancer. C'est une question que je voulais te poser. Hein. On a des détracteurs qui disent que dans ces Jazz Pulsations, on n'a plus rien de jazz. Pourtant, c'est quand même plus d'un tiers. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi. On a les stats. Hein, c'est 28%, rien que 28% de jazz sur ces 2 semaines. C'est énorme. Et ça, c'est que dans la prog payante, parce qu'au final, quand on prend en compte tout ce qu'on fait tourner autour, donc les 170 concerts, on est plutôt à 37%, je crois. Enfin, on s'en fout des pourcentages. Ouais, en fait, mais c'est dire que le jazz est vraiment présent encore. Bah, évidemment. Il est présent et cette musique est formidable, probablement la plus belle. Si je devais choisir, je choisirais celle-là. Mais en fait, il se réinvente aussi. En fait, c'est ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Le jazz, là, on avait Mélodie Gardot à l'opéra jeudi, là, voilà, jazz vocal, somme toute classique, l'image que les gens s'en font. Puis le même jour, le même soir, au Magic Mirror, en même temps, il y avait une trompettiste anglaise et Magenta Cray qui était plutôt de la scène dance floor jazz, donc une scène qui mixe aussi avec la house, les musiques électroniques, etc. Et puis en même temps, à Poirel, on avait du Manouche le lendemain, Stokule Rosenberg, qui est une star du genre les Paquito et Sandro Laurier. Enfin voilà, Anne Passeo hier. En fait, c'est tous ces jazz là finalement, ils eux-mêmes sont influencés par plein d'autres musiques. Donc et les autres musiques peut-être influencées par le jazz aussi. Hein, d'ailleurs. Et les autres musiques aussi influencées par le jazz. Absolument. Ouais. Et du coup, en fait, je crois que c'est un faux débat. Si après, si les gens aiment râler et qu'ils râlent, hein, nous ça ne change pas. Nos salles sont pleines. Donc, exactement. Voilà. Mais encore que le jazz, peut-être, on pourrait aller un petit peu plus loin. On va en parler. Je pense qu'on va en parler. On va en parler. On a parlé du festival, mais il y a aussi plein d'autres choses tout au long de l'année. C'est ça aussi que je trouve que j'avais envie de te faire nous raconter. L'organisation, c'est aussi le Nancy Jazzcraft, c'est aussi des concerts qui se passent des fois chez les bailleurs HLM, par exemple, dans les écoles, dans les quartiers. C'est une organisation de fou. Vous êtes combien pour monter tous ces événements tout au long de l'année ? À l'année, on est, je dirais, 11 équivalents temps plein, et en gros, ça fait, je crois, 8 CDI. Et après, des assistants en pagaille, service civique ou stagiaire, et puis aussi le directeur technique, par exemple, qui a quasi un mi-temps à l'année, finalement, sur le festival, mais qui est indépendant, voilà, qui est architecte dans sa vraie vie. Je pense à lui, et il y en a plein d'autres. Donc, ça fait. Et pendant le festival, on est 100 salariés et 240 bénévoles. Donc pendant 15 jours. Donc, sacrée entreprise. Ça fait, c'est un budget de 2 millions et demi à l'année maintenant NJP. Et voilà, ça correspond aussi à l'ensemble de ces actions. Pardon, tu parlais de Nancy Jazzcraft, donc qui est le nouveau festival qu'on a créé en juillet 21 puis en mai 22 autour de la porte de la Craft, monument historique, et nos bureaux sont collés à cette porte, donc c'était enfin moi voilà, j'ai ce goût d'aller jouer dans des lieux qui sont pas du tout dédiés à ça à la base, et c'est une autre manière de surprendre. Il y a la musique et puis il y a aussi le lieu dans lequel on se trouve qui peuvent dérouter et nourrir le spectateur. Donc Nancy Jazzcraft, qui est lui pour le coup un festival quasiment gratuit, très familial, très convivial, beaucoup plus axé sur le jeune public en journée, et le soir l'idée c'est quand même de croire qu'on est au Magic Mirror sous la porte de la Craft. Voilà, et puis en effet il y a des actions sociales qu'on a développées depuis mon arrivée. Alors historiquement NJP a toujours été précurseur même en fait sur ce qu'on appelle aujourd'hui institutionnellement l'éducation artistique et culturelle. NJP a été précurseur, les quartiers musique, je crois que c'est 94 la première édition, et donc je vous laisse faire le compte, ça fait 28 ans que cette opération existe, et puis voilà, on en développe d'autres. On se rend compte aussi que ça devient dur à gérer. C'est ça. Mais en effet, on s'est croisé il y a pas longtemps, pour pas mentir, tu m'as dit à un moment donné je risque de tuer l'équipe à trop en faire. Au sens figuré, bien entendu. Bien sûr, évidemment. Et puis il y a le tremplin aussi, hein, où vous avez découvert et fait découvrir Mélissa Vécart, par exemple. Voilà, Mélissa Vécart, NCY Milky Band, Léon Fall, etc. pour et Back to Sea pour les dernières éditions. Et puis le format européen qu'on vient de créer là aussi, Nancy Jazz Up Europe, qui lui fait la part belle au dance floor jazz, justement jazz hybride, hein, qui est réinventé par les musiques actuelles. Et cette scène européenne florissante, enfin il y a plein de choses à dire, c'est ça qui est super chouette avec NJP, c'est qu'il y a, et puis il y a le durable aussi, enfin vous en parlerez cet après-midi. Qui viendront tout à l'heure, voilà, il y a plein de sujets sociétaux, plein de sujets artistiques, les uns sont souvent liés aux autres, et c'est ce qui fait que c'est passionnant d'avoir un festival de cette durée-là aussi. Et puis quand on est gourmand, 3 jours c'est pas suffisant. Là, voilà. Ok, je suis crevé, mais alors qu'est-ce que je suis heureux. et puis c'est aussi un formidable tremplin pour des artistes locaux, régionaux aussi, hein, qui se font des scènes incroyables qu'ils pourraient faire nulle part ailleurs d'ailleurs. Chacun a sa région, a son festival, j'imagine, mais oui, c'est sûr qu'il y en a qui ont commencé au Nancy Jazz Poursuite, puis l'année d'après qui jouaient dans la prog officielle, et puis. Monsieur Pélican, par exemple, Monsieur si je dis pas Pélican, de moi je les ai vus dans un exactement. Bar l'an dernier, je suis tombé fan de. Exactement. J'en avais parlé d'ailleurs l'an dernier, je t'avais dit eux. Et là, ils sont là cet après-midi. Tout à fait, c'est un bon exemple. Voilà. Et avant de laisser la parole à mes copains qui vont parler un peu plus de programmation avec toi, moi, une question. Combien de kilomètres tu fais par an, combien tu fais de voyages par an pour aller faire des découvertes pour la programmation de ce festival? C'est considérable. À l'année, je me demande même des fois comment tu fais pour encore vivre avec le nombre de kilomètres que tu fais. J'ai pas d'enfant. Voilà, ça doit être ça. C'est ça l'astuce. Le secret. Je sais pas compter le nombre de kilomètres, mais c'est vrai que ça s'est accéléré depuis notamment cette prise de fonction, mais surtout le post-Covid. Là, en effet, je suis allé à New York en 2020. Là, c'était le Liban cette année. Jazzhead à Brême en avril. Printemps de Bourges, Transmusical. C'était à Bordeaux il n'y a pas longtemps. On est allé à Bordeaux avec l'équipe, en effet, fin août, parce qu'on était invité pour faire la programmation d'un des dimanches qu'ils produisent là-bas, ce qui nous permettait de mettre du jazz aussi devant un public électro, et ça, c'était cool. Ouais. À part qu'il faisait 40 degrés. Mais, et donc, Léon Fall jouait à ce moment-là vers 15h. Mais ouais, il faisait vraiment trop chaud. Mais bon, bref, je ne sais pas, ça fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de Paris aussi, évidemment, pour aller voir des groupes à Paris. C'est le plus simple, on est à 1h20, je crois, en ça train. Ça se fait bien, ouais. Donc je sais pas combien ça fait de kilomètres, ça mériterait qu'on le calcule pour notre impact CO2. À mon avis, c'est un truc qu'on va mettre en place l'année prochaine d'ailleurs, une étude d'impact. Mais voilà, écoute, en tout cas oui, j'ai cette chance, je sais que je suis privilégié de ce côté-là, de pouvoir voyager autant et découvrir tu vois, quand t'es au Liban, tu découvres des Libanais. Là, on m'a invité à venir en Israël fin novembre, et c'est génial, tu reçois des invités, bonjour, vous voulez bien venir, on vous invite, on paye tout, c'est génial. Et puis ça se sert derrière en plus pour Gwendoline Absalon, justement, si je peux en parler, puisqu'elle joue au Magic Mirror cet après-midi. Gwendoline, j'étais à la réunion invitée justement dans le cadre du YOMA, le Festival des musiques de l'océan Indien, qui se termine par le Festival Sakifo, S-A-K-I-F-O, qui est assez connu dans le milieu des musiques actuelles professionnelles, mais aussi évidemment des réunionnais. Bref, je suis invité là-bas une semaine. Et on a des groupes showcase comme ça, comme ce qu'on vient de faire nous avec le Jazz Up Europe là. Et je tombe sur cette voix là, Gwendoline, mais superbe, des bons icos et tout. Je la revois au Sakifo parce qu'elle était hors showcase, donc là dans la prog du Sakifo. Et puis en fait, on est invité, c'est aussi, il faut jouer aussi le jeu quoi. Et donc je me suis dit, ça va être une artiste Nancy Jazz Tour pour l'année prochaine. Donc programmée au Magic Mirror cet après-midi, mais elle vient déjà de faire, je crois, 5 concerts depuis mardi. Donc et puis alors j'avais un petit en fait tu sais, je veux dire, je l'ai programmé schématiquement, symboliquement, je l'ai programmé les pieds dans le sable, 35 degrés en décembre, tu vois, t'es charmé quoi, t'es ailleurs, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie, incroyable cet endroit, l'île de la Réunion. Et donc en revenant, tu vois, 2, 3 mois, 4 mois après, tu te dis j'ai trippé ou enfin tu vois, tu commences à te dire est-ce que ça va être vraiment un carton, est-ce que ça va être vraiment, voilà, est-ce que c'était moi, est-ce que... Et puis en fait j'ai été vite rassuré mardi, mais vraiment j'attendais les retours. Mardi il jouait je crois à Pont-à-Mousson pour la première date, et on m'a envoyé des textos en me disant mais c'est cette présence, cette voix, c'est incroyable. Donc du coup, à quoi servent les voyages, voilà, écouter de la musique réunionnaise par exemple. Alain, on peut dire que Thibaut, quand on discute avec lui programmation, c'est un grand passionné, mais vraiment, et on peut peut-être parler un petit peu de la programmation de jazz aussi. Avec plaisir, d'autant plus que Thibaut s'est tourné vers moi tout à l'heure quand il a parlé de la programmation strictement jazz. Alors avant, je voudrais dire une chose, c'est que je suis toujours amusé quand on dit 28% de programmation de jazz. Je voudrais bien savoir où commence le jazz et où commence une autre musique. Et que ça... Il faut le répéter. Et puis, moi, je trouve formidable que des auditeurs puissent, qui connaissent pas forcément le jazz, entendre autre chose. Et puis, inversement. Alors, tu t'es tourné vers moi en disant pour la programmation de jazz, on pourrait faire mieux, si j'ai bien compris. Ah bon? Donc, j'ai pas compris. Non, je pense que ça va être compris. C'est pas faire mieux. Peut-être, non, sûrement. Mais... Non, mais faire mieux. Vous, et tu me regardais en disant, vous, les auditeurs. OK. Vas-y, raconte. Alors, raconte. Où est-ce que tu veux aller? Je voulais t'interroger là-dessus, savoir ce que. La programmation jazz, tu as cité un certain nombre de beaux concerts. Tu ne les as pas tous cités. Hein. J'ajouterai le très beau concert de Cécile McLaren-Salvant, qui faisait l'ouverture du festival. Quand même, tu y étais, je t'ai vu. Tout à fait. Et. Formidable concert. La salle Poirel était pleine. Pas tout à fait, non. Oh, presque. Oh, presque. Voilà, c'est là le faire mieux que je voulais dire. Ah oui, voilà, tout à fait, sur le remplissage, c'est clair. Je vois tous les jours des concerts qui s'annoncent complets, quand on regarde sur les réseaux sociaux, et puis c'est pas forcément les concerts strictement jazz qui s'annoncent complets. Non, il y avait Anne Passé au Pierce Faccini hier, en effet, complet, mais la manufacture n'est pas complète, il reste des places et beaucoup de choses en jazz différentes à voir. À la manufacture tous les jours, il y a vraiment plein de types de jazz différents. Allez-y, c'est pas cher. Il y a un tarif jeune à 15 euros d'ailleurs pour ceux qui voudraient se tenter. C'est des belles soirées et Alain vous en parlera sûrement tout à l'heure dans le détail. Mais oui, tu as raison. Oui. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que en fait, quand, en fait, au-delà de faire découvrir le jazz aux gens, ce qui est une de nos priorités, la première chose, c'est de leur faire découvrir de venir en festival. Ouais. Déjà, tu commences par l'étape 1 qui est « Ok, sors de chez toi, lâche Netflix et viens, viens vivre un truc avec 3000 personnes autour de toi, une belle communion devant un artiste qui fasse de la pop, du rap, du reggae, on s'en fout en fait. Ouais, » c'est vraiment de vivre l'expérience festival et ce moment de collectif. Pardon, je te laisse. Non, mais je dirais juste un mot rapide là-dessus pour dire, et je te rejoins complètement, c'est qu'en plus, ce qui est vachement agréable dans un festival comme l'NJP, c'est qu'on va découvrir des choses. Vous venez sur une soirée, vous connaissez peut-être un artiste et vous allez en découvrir deux autres et sortir de là en vous disant mais quel kiff, quel kiff. C'est ça effectivement qui est génial au NJP. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans ce festival. Alors, à la manufacture, je crois qu'on est en retard, on a Brahma qui arrive derrière. Si tu dois conseiller un concert aux gens qui connaissent pas le jazz, eh ben le plus ouvert, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas le jazz, c'est sûrement le jeudi 13 octobre avec Bon Voyage Organisation et Ohan Kim, qui sont deux formations de jazz, mais plutôt tournées autour de quelque chose d'assez cinématographique, d'assez imagé en fait, et c'est assez groove aussi. Donc voilà, moi je vous conseillerais d'aller le jeudi 13, mais voilà, écoutez la prog, il y a des playlists Spotify, Deezer, etc. Il reste encore une grosse semaine de concerts. Il reste de la place aussi un peu au chapiteau en début de semaine et à la manufacture. Vraiment, allez découvrir, vous serez vraiment jamais déçu à NJP. En tout cas, si vous êtes déçu, vous m'écrivez un mail, vous m'insultez, vous avez le droit. sauf si vos arguments ne sont pas tangibles. Voilà, c'est ça. Bah, ils ne le seront pas. Exactement. Merci Thibaut, merci d'être passé par notre studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Étant un fidèle du festival, je le précise quand même, il y a une belle impulsion depuis ton arrivée. Une belle impulsion. Ouais. Merci. Elle était là, Julien. Merci encore d'être venu parmi nous. En tout cas, on continue le Pulse Asso Radio en direct jusqu'à 18h sur les 5 radios nancyennes, Fadjet, RCN, Radio Merci Campus, monsieur. Radio Graffiti et Radio Déclic. Un peu de musique peut-être, mon cher. On va mettre la Daniva tout de suite. Donc, bonne écoute, restez avec nous. C'est la PEP en fait. Tout de suite maintenant. We'll be right back. auditeurs. Pulsasso Radio, en direct du NJP et de la PEP en fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et voilà, tout est dit. Vous êtes toujours en direct depuis le parc de la Pépinière sur la Pulsasso Radio. Petit mot rapidement sur la Daniva que vous venez d'écouter juste avant, qui sera en concert cet après-midi, donc à 18h au chapiteau de la Pépinière, et qui sera avec nous en interview à 16h45. Mais pour l'heure, nous allons recevoir tout de suite Brahma qui est avec nous. Et je te salue. Salut. Salut. Ouais. Je te laisse entre les mains de Margot et Gaspard pour une petite discussion. Alors bonjour Brahma, vous êtes un groupe de rock psychéaire des choix. Vous venez de sortir il y a quelques jours votre premier EP qui s'appelle La Glane. Qu'est-ce que vous essayez de passer comme message? Pourquoi ce titre aussi? Alors, on n'est pas des choix, on est corréziens. C'est de l'autre côté, mais c'est le même type de ruralité du moins. Alors La Glane, nous en fait, c'est le verbe glaner. Et donc du coup, la glaner, c'est récupérer les résidus de la production. Donc c'est un peu voilà ce qui a été laissé par la commercialisation, la production, ce qui intéresse plus en tout cas. Ça voilà, nous on le récupère, on en fait quelque chose, on en a fait notre métier. Et du coup, ce qu'on cherche à travailler en fait, c'est une matière de musique populaire de chez nous. On vient plutôt nous de l'univers du rock, mais on s'est très rapidement en fait intéressé aux musiques du quotidien, musique populaire qui ont lieu autour de chez nous. Et la langue aussi. Et du coup, c'est cette matière-là qu'on travaille et pour avoir un propos un propos qui nous ressemble en fait. Faire du rock, mais c'est une musique qui est ultra mondialisée. Et nous, d'avoir un propos derrière qui nous parle, qui a un rapport avec ce qu'on vit au quotidien chez nous en Corrèze, quoi. Et justement, la langue. Tu parlais de la langue. Ouais. Je crois que tu avais une question, Gaspard, sur la langue. Bah oui, du coup, c'est une langue qui est effectivement pas commune dans le rock, en tout cas, c'est assez inédit. Vous défendez du coup visiblement des valeurs un peu locales, ou en tout cas un truc précis, non? Ouais, c'est ça. En fait, on défend. Je sais pas si je dirais qu'on défend, mais comment dire? On chante en occitan, donc du coup, qui est quand même la langue qui était parlée par la moitié sud de la France et qui a disparu. Et du moins, en fait, c'est vraiment un chemin. Il n'y a pas vraiment une volonté politique, je pense, mais c'était. Elle est intrinsèque. Mais nous, en fait, c'est surtout que. Donc je disais, on vient du rock. Et puis on s'est mis à jouer. Enfin, moi, j'ai commencé à jouer avec Baptiste, qui joue de la vielle à roue, donc qui est un instrument qui est dans l'imaginaire commun quelque chose d'assez ancien, qui finalement en fait date à peu près la même époque que la guitare, mais qui représente pas du tout la même chose. Alors, moi, je suis guitariste, je joue d'un instrument qui est ultra mondialisé, qu'on entend absolument partout, qui est d'une banalité affligeante presque, je dirais. Et en face, j'avais Baptiste qui passait dans les mêmes effets que moi, de la disto, de la fuzz, etc. Et traitement de chaîne de guitare, quoi, mais sans avec une vielle à roue. Mais ouais, okay, avec une vielle à roue. Moi j'étais là, mais attends, mais c'est quand même assez dingue, parce que dans l'imaginaire des gens, c'est deux instruments opposés, on va en faire quelque chose. Et avec le rock, c'était pareil. Moi je venais du rock et je chantais voilà, en anglais. J'étais fan des Beatles, Grateful Dead, Led Zeppelin, trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça me parlait plus du tout. Enfin, j'avais 20 ans, je chantais des trucs en anglais qui racontent l'histoire de je sais pas quel truc aux États-Unis ou en Angleterre. Et c'était pas du tout en fait mon quotidien. Donc en fait, la volonté, c'était simplement ça, je pense. C'était, mais comme plein d'autres mouvements l'ont fait avant, le krautrock en Allemagne, etc., un espèce de délire de se dire ok, qu'est-ce qu'on a chez nous. Et pas du tout pour un entre-soi, absolument. Pas au contraire, plutôt pour juste ajouter encore plus de diversité, pour qu'il y ait quelque chose de plus universel derrière, on se retrouve avec, on raconte ce qu'on vit nous, quoi, et pas faire semblant de parler une langue qui n'est pas la nôtre, etc. Et donc du coup, ça s'est fait assez dans cette optique-là. On s'est dit comment on chante, et l'occitan est venu assez rapidement, et d'autant qu'on fait partie d'un collectif qui s'appelle Lost in Traditions, qui est basé en Corrèze, et dont c'était un des travaux en fait avec un autre groupe qui s'appelle San Salvador, qui travaillait déjà sur cette matière-là. Et donc enfin bon, ça s'est fait assez naturellement finalement. D'accord. Justement, tout à l'heure, vous allez jouer dans peu de temps, donc à 15h30. Au Magic Mirror. Est-ce que vous avez justement un petit rituel avant de monter sur scène, quelque chose comme ça? Ouais, on se fait toujours un câlin, à tous les trois. D'accord. Et ouais, non, c'est à peu près tout. Après, nous, on est un trio. On sait que ça marche à trois. S'il y a une personne en moins, ça marche plus. Enfin, c'est vraiment une espèce d'équilibre. Donc, on a vraiment quelque chose de soudé à trois. Nous sommes. Ouais, on cherche vraiment le contact à trois tout le temps sur scène. S'il y a le public, ça fait une quatrième personne, donc c'est toujours en plus. Mais nous, on est toujours de toute façon tous les trois. Donc on essaie de se chercher à trois avant et de rester ensemble. Voilà. Justement, votre trio apporte beaucoup par rapport à quelqu'un qui jouerait seul. C'est-à-dire ? Par rapport à un artiste qui jouerait seul, votre trio, le fait que ce soit un trio, justement, vous apporte beaucoup sur scène. Ah ben ouais, puis enfin, je veux dire, on fait avec le fait qu'on est trois et on essaye de moi j'aime bien de dire comme quand on dit 2 plus 2 égale 5 quoi. Et quelle est la formation ? On est trois et c'est une personne de plus en fait. La formation justement. Alors c'est guitare, violaro et batterie. Donc il y a la forme classique un peu du power trio, guitare, basse, batterie. Mais là où on peut dire que la basse est plus ou moins jouée par les effets de la violaro. Donc du coup qui est un instrument avec des cordes frottées, où il y a une roue en fait qui vient frotter des cordes et qui produit un son continu. Donc du coup il peut s'arrêter, mais quand il tourne, ça vraiment il y a un espèce de son continu qui évidemment est assez psychédélique. Enfin voilà, nous on joue ça en arrière-plan, c'est, quoi. C'est drone quoi. On a écouté quelques titres tout à l'heure et on sent effectivement plein d'influences dans votre musique de genre, en partie du rock des années 70 quand même, ça se sent beaucoup. Il y a d'autres choses en plus du coup ? Eh ben ouais, alors il y a ça parce qu'on écoutait ça évidemment. Après il y a beaucoup de musique d'aujourd'hui, on écoute beaucoup de musique du monde. Et puis évidemment la musique populaire de chez nous inspire, les airs etc. Donc c'est assez présent. Je pense qu'on écoute beaucoup de musique et on écrit nos morceaux. On essaie vraiment d'être toujours dans cette démarche d'écrire le plus honnêtement possible en fait, avec nos influences, sans essayer d'avoir de posture qui nous bloque ou quoi, enfin de se dire bon, on a un groupe de rock alors faut faire ça, on a un groupe de trad alors faut faire ça. On est dans un truc assez naturel, donc ça varie pas mal pendant le set, et en jouant toujours avec évidemment les contraintes, mais dans le sens le plus positif, voilà, les contraintes de la violaro qui est un instrument quand même qui joue dans certaines tonalités avec des bourdons, qui a un son continu et tout ça. Donc nous on a aussi on innove aussi en faisant ça, en se disant bah voilà, on va jouer du rock mais avec cet instrument là en faisant avec quoi. Je vois que tu as ramené un vinyle avec toi. Ouais. C'est le dernier album du coup ? Eh ben c'est le dernier et le premier. EP, c'est notre tout premier EP. Ok. C'est notre tout premier EP. Qui s'appelle La Glane du coup. La Glane, ouais. Ok. Qui on peut vous retrouver sur toutes les plateformes. Sur Bandcamp et sur les plateformes tout de streaming. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et on peut l'acheter sur Bandcamp d'ailleurs. Eh ben on te remercie beaucoup d'être venu dans la Pulsation Radio. C'est moi. On dit à tout à l'heure, donc 15h30, si vous nous écoutez, ça se passera au Magic Mirror, toujours en gratuit. Et puis bah, bon courage pour ton concert. Ouais, merci. On va justement écouter un petit extrait de ce dernier album, La Glane. On va écouter le morceau La Joie. Mazoy. Ça veut dire ma joie. Ouais. Ok, Mazoy. Vas-y, l'occitan, je ne maîtrise pas encore. Merci en tout cas. On se retrouve tout de suite donc, dans la Pulsation Radio en direct de la Pépinière. Bon après-midi. Merci à toi. jusqu'à 18h, Pulsasso Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pépinière en Fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, effectivement, en direct de la PEP, en fait, ici à Nancy, au parc de la Pépinière, vous l'aurez peut-être compris. Association radiophonique en direct ici, donc petit studio mobile, nous sommes juste à côté du chapiteau. Vous l'entendez derrière nous, le premier concert gratuit donc du chapiteau qui vient de commencer. Et à l'instant, à la table de Pulsasso Radio vient de nous rejoindre Gabi Hartmann, qui va nous parler un petit peu d'elle. Et pour ce faire, nous avons Mathilde et Swan à la manœuvre. Merci Johnny. Donc, bonjour Gabi Hartmann. Bonjour. Tu es à la fois chanteuse, musicienne et auteur, on dit. Donc, demain, tu joues à 20h au chapiteau à Nancy. Est-ce que tu penses que Nancy va être à la hauteur? Est-ce que moi, je vais être à la hauteur? Non, bah, ça, on n'en doute pas. C'est bien dit comme ça, hein. Ouais. Alors, pour parler plus de ta musique, tu as sorti un son Mille Rivages le 19 juin. Ouais, c'est ça. Tu as annoncé un album pour le 24 janvier 2021, c'est ça ? Mm-hmm. À quoi doit-on s'attendre du coup pour cet album ? Des surprises. Je pense qu'avec c'est un album qui est un peu dans la continuité de mon EP que j'ai sorti. Il y aura d'ailleurs certains morceaux de l'EP qui seront dans l'album. D'accord. Il y aura des chansons en anglais, en français. C'est des chansons même dans les deux langues, dans la même chanson. D'accord. Il y aura, je pense que ça sera un élargissement de ce que je faisais déjà avant. Ok. Avec quelques petites surprises, voilà. Ok, bon, on a attendu pas plus. Du coup, tu as commencé à sortir des morceaux en 2019. C'est ça. Et quel a été le déclic pour toi de mettre tes sons sur les plateformes, du coup En fait, j'avais envie de faire un projet solo, parce qu'avant ça, je faisais beaucoup de projets collectifs. Je chantais principalement des reprises du répertoire, soit du jazz, soit de la musique brésilienne, soit de la chanson. Et j'ai eu envie d'écrire mes propres chansons. Et en fait, j'ai rencontré des auteurs-compositeurs, des musiciens qui faisaient déjà ça, qui avaient sorti énormément d'albums. Et donc, j'ai un peu suivi leurs conseils, leur manière de travailler. Et j'ai sorti un premier single. En fait, au départ, je me suis dit, je ne vais pas sortir un EP. Je commence par un single et on voit ce qui se passe. Voilà, c'est un peu comme ça que j'avais fonctionné. Ok. Et alors, plus concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se lancer en mode solo dans la musique? C'est compliqué question. Toi, comment t'as fait, du coup? Ça faisait quelques années que je jouais de la guitare, que je chantais, que j'écrivais. Après, c'est le courage d'y aller et de se dire, voilà, est-ce que mes chansons, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire un projet solo? Est-ce que je vais assumer de tenir tout ça toute seule, d'assumer ce rôle-là, en fait, d'artiste solo, parce que c'est pas toujours évident. Et puis trouver aussi un bon entourage, c'est ce qui aide aussi à se motiver. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer un réalisateur qui avait pas mal d'expérience, qui avait travaillé avec plein de chanteuses que j'adorais. Et donc, on a commencé à travailler ensemble et ça s'est très bien passé. D'accord. Ouais. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, du coup, tu as sorti un premier son en 2019. Mm-hmm. Je vais pas le prononcer parce que je vais trop l'écorcher, ça va être horrible. Et donc, par respect pour toi, je ne le prononcerai pas. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta carrière, qu'est-ce qui a changé entre la sortie de ce son et la sortie de ton album le 24 janvier, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il s'est passé pas mal de choses, mais en fait, j'ai sorti donc cette EP. Et là, j'ai tout de suite enchaîné avec des concerts, c'est allé assez vite et j'ai fait, finalement j'avais pas tant d'expérience que ça du live, et j'ai fait assez vite des grosses scènes de festivals de jazz. Cet été, j'ai fait le Nice Jazz Festival, le Django Reinhardt, sans album en plus, c'est quand même... C'est tendu. C'est assez rare pour des artistes dans ce milieu-là. En plus de ça, dans le milieu très très jazz, les artistes sortent pas d'EP, ils sortent des albums. Donc moi, je suis un peu un mélange entre la pop et le, enfin, entre deux types de... Il n'y a plus tant de normes que ça, finalement. Hein. C'est ça. Ouais, le jazz évolue aussi en même temps que évidemment. Sa musique contemporaine. Quoi. Ouais, ouais. Évidemment. Tu disais que tu faisais des scènes, du coup, sans avoir sorti d'EP ou d'album. Du coup, qu'est-ce que tu jouais? Des morceaux à toi? Ben, c'est ça, je jouais que mes morceaux à moi, mais que j'avais même pas encore sorti. Ok, d'accord. C'est une bonne manière de faire de la promo en réalité. Voilà, et je m'entraînais pour les jouer en live. Mmh. D'accord. Du coup, on va parler un peu de tes inspirations. On a vu que tu avais beaucoup voyagé. Est-ce que ces voyages y font partie? Ils t'ont inspiré pour ta musique? Oui, clairement, clairement. En fait, j'ai même voulu faire un premier projet solo qui soit vraiment à l'image, un reflet de toutes les expériences que j'avais vécues, les lieux où j'avais vécu, les langues que je parlais, parce que je parle plusieurs langues, du coup le portugais, l'anglais, le français. Et j'avais vraiment envie de pas choisir en fait, de tout montrer. Un carnet de voyage musical en fait. C'est ça, c'est ça. Et quelles sont tes autres inspirations dans ta musique? C'est une question vaste. Que ce soit des artistes, des films, des séries, je sais pas. Je pense que j'ai une grande passion pour une certaine époque de la musique, milieu des années 60, 70. Je me réfère beaucoup à ça, je pense, quand je veux enregistrer, même quand je compose. J'ai une grande passion depuis toujours pour cette époque, voilà, Nina Simone, même un peu avant, Billie Holiday, beaucoup d'artistes dans le milieu des années 60. D'accord. Et après, je suis très influencée par la poésie, parce que j'aime beaucoup écrire en français, très influencée par des artistes comme Barbara, Gainsbourg, la vieille chanson française. Donc tu écris toi-même tes titres, sur quel sujet t'aimes écrire principalement? Je pense pas que j'ai un sujet de prédilection, je pense que ça dépend, y en a énormément. Évidemment, hein, les sujets sur l'amour, hein, on va pas y échapper. Mais j'ai aussi des sujets plus politiques. Je parle beaucoup de la solitude aussi, de l'errance, du questionnement personnel, de se remettre en cause aussi. Je parle beaucoup de ça dans mes paroles. C'est un peu comme un moyen de se soigner en fait, finalement, quand on écrit. Voilà. Et il y a une chanson plus politique dans mon EP qui s'appelle La Mer, où je parle du sort des migrants dans la mer Méditerranée. Ok, d'accord. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., ou même des dates futures? Y'a pas de soucis. Sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. À quel nom? Même TikTok. Gabi Hartmann, okay. Official, je crois, parce qu'il y avait. Ça marche. Oui, Gabi Hartmann, official. Ok, voilà. Et est-ce que tu as d'autres dates où on peut venir te voir? Alors, j'ai en fait. Ma seule date là, ça va être là pour la sortie de mon album. D'accord. Et ça sera à la scène musicale à Paris, le 24 janvier. Ok. Moi, j'avais une question sur le fait que tu aies commencé très très vite les lives en fait, sans avoir sorti d'album. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière qui t'a un peu poussé pour avoir des grosses dates comme ça, qui étaient quand même des grosses dates finalement. C'est pas des petits festivals que t'as fait. Ouais. Donc t'as quelqu'un, une manageuse ou quelqu'un qui. Ou les bons contacts finalement ou... En fait. Programmateurs, je sais même pas. En fait, voilà. En fait, ce qui a été décisif, c'est la rencontre avec Sébastien Vidal, qui est en fait le directeur de TSF Jazz. Ok, oui. Duc des Lombards, qui est un club de jazz et qui programme aussi ces deux gros festivals de jazz où j'ai joué. D'accord. Et en fait, lui, il a tout de suite adoré mon EP. Il m'a fait jouer dans son club et ça a hyper bien fonctionné. Mmh. Et en fait, lui, il a une programmation géniale au Duc des Lombards. Tous les lundis, par exemple, il y a une scène ouverte où il fait jouer plein de tout nouveaux musiciens de jazz. D'accord. Un vrai vivier, quoi, finalement. Ouais, un vrai vivier. Ouais, ouais. Et en fait, il a vu que mon projet, il était, tu vois, c'était pas du tout classique jazz et que ça ouvrait, qu'il y avait plein d'influences. Et puis, ça a fonctionné. Et en fait, en général, ce qu'il fait, c'est que quand les artistes, ça fonctionne bien dans son club, il y a une bonne réception, un bon bouche à oreille derrière, une bonne réception du public. D'accord, et bah, il va programmer ces artistes là après dans ces autres festivals. Oui, c'est le meilleur moyen de se faire une idée finalement, de voir les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais une dernière question que j'avais pas prévu de te poser. Est-ce que tu as des formations particulières dans le domaine de la musique? Oui, un petit peu, oui. J'ai appris, j'ai fait un peu de conservatoire en chant de jazz, un peu de guitare, harmonie, jazz. Voilà. Okay. Et puis j'ai commencé un peu avec le piano classique. D'accord. Quand j'étais plus petite, okay. Voilà. Donc, tu joues du piano, et est-ce que tu joues d'autres instruments? Un peu de percussion, okay. J'aime bien. D'accord. Et parce que sur scène, ça donne quoi finalement? C'est quoi ton setup, si on peut dire? Alors là, c'est en trio. Ah d'accord, donc tu seras pas toute seule, d'accord. Ouais, non, je serai pas toute seule. Pas sur une grande scène comme ça, il faut du monde là. Voilà. Tenir une heure. Ouais, j'avoue. Guitare à voix, c'est quand même. Ouais, ouais. Ouais. Non, donc je joue avec une contrebassiste. D'accord. Et un batteur percussionniste qui mélange un peu les deux. D'accord. Et quand par exemple cet été on a joué en quintette, il y avait un pianiste, mmh, et un guitariste. Ok. En plus. Voilà. Mais là donc alors ce qu'on précise aux gens qui nous écoutent, tu passes demain en fait, lundi, demain, ouais, lundi 10 au Chapiteau, mm-hmm, juste avant Eastwood Symphonic. C'est ça. Donc là à mon avis on est un gros orchestre, c'est l'orchestre l'Opéra National de Lorraine. Donc toi tu vas ouais, c'est assez fou quand même. C'est ta première grosse date comme ça? Oui. Ok. Et ça va? Ça va. Ça va, ça va. Bah franchement j'ai fait aussi les premières parties à la salle Playel devant genre 2000 personnes, c'était classe. C'est très classe, ok. Ouais c'est Il y a une question qu'on aime bien poser ici, c'est est-ce que tu as des rituels, que ce soit toi ou ton groupe, enfin les gens avec qui tu joues, avant de monter sur scène? Oui, on a tous. Ouais. On a tous. Je fais des échauffements vocaux, ouais, déjà pour me préparer. On fait des exercices de respiration. Et puis on. Juste avant de monter sur scène, on se réunit avec les musiciens, c'est important, et on fait circuler, on essaie de se mettre ensemble, de faire circuler notre énergie ensemble. Pour, ok. Pas de petits cris de guerre. La motivation. Non. Il faut garder la voix. Oui. Ah oui, attention. Oui, oui, oui. Il ne s'agirait pas de la perdre juste avant de monter quand même. C'est hein. Ça, ouais. Et est-ce que le fait de jouer de la musique, de jouer des instruments en même temps que de chanter sur scène, c'est plus stressant du coup de monter sur scène, ou est-ce que tu as plus le trac? C'est possible, mais en fait j'ai toujours chanté et joué la guitare en même temps. Mais effectivement, il y a certaines chansons où c'est bien aussi quand il y a un pianiste qui m'accompagne. Moi, j'ai juste à chanter. Mais j'ai toujours mélangé, j'ai toujours fait les deux. D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas. Peut-être merci rappeler le nom de ton album. Il sortirait quand ton album? Il va sortir le 13 janvier. D'accord, ok. Et il sort sur un label de jazz qui appartient à Sony. Ok, d'accord. Masterworks. Ok. Et voilà, et ma date du coup de la sortie de l'album, c'est la scène musicale. D'accord, donc pour l'instant il y a un EP disponible, on peut le trouver sur Bandcamp j'imagine, ou les plateformes classiques? Les plateformes classiques, ouais. D'accord, ok. Et je sors un single fin octobre là. Super, voilà. Tu chanteras demain j'imagine? Ouais, bah venez nombreux. Alors ça se passe demain donc au Chapiteau à 10h. Merci beaucoup Gabi. Merci Hartmann. À bientôt. Vous êtes toujours sur Pulsace Radio. Merci les filles, Mathilde et Swan. Parfaitement réalisé, interview parfaite. Nous allons donc. Merci du coup. Mais c'est pas grave, on m'a coupé mon micro. Non, c'est bon, t'as entendu. Allez, Pulsace Radio continue en direct du parc de la Pépinière pour la PEP en fait. Dans le cadre des Nancy Jazz Pulsations, on va écouter tout de suite un morceau de Gabi Hartmann. Le morceau s'appelle I'll Tell You Something. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Restez avec nous. Et vous êtes toujours sur la Pulsasso Radio, je vous rappelle, une association maléfique des 5 radios associatives de Nancy, Fadjet, RCN, Radio Campus, Radio Graffiti et Radio Déclic. Toujours avec nous jusqu'à 18h, nous sommes à côté du chapiteau, vous l'entendez derrière nous, ça commence à jouer fort. Des concerts gratuits, en veux-tu, en voilà, et des artistes qui se succèdent donc sur notre studio mobile, avec tout de suite Monsieur Pélican, qui sont en fait deux monsieur et une madame. Finalement, voilà, le titre est pas vendeur là, les gars. Non, non, je rigole. Tout de suite, je vous laisse entre les mains de Hervé et Alain. C'est pas du tout ça. Entre les mains de Vicky et Julien. C'est mieux. Excellent, c'est excellent, mieux. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Donc une fois qu'on a réussi à remettre en ordre que Monsieur Pélican sont trois et qu'ils font de la pop et que nous sommes Julien et Vicky pour faire les questions. La fille c'est Juju et c'est la cerise sur le gâteau. Ah, donc on a déjà une cerise sur le gâteau, c'est déjà bien. Mais avant de rentrer dans le détail du gâteau, une description de ce gâteau sur Instagram, mais aussi sur un site, je le citerai juste après. Je vois comme description: si Monsieur Pélican existe, c'est parce que sa maman lui a toujours dit qu'il était un drôle d'oiseau. Et la description sur Instagram, qui est un pélican, c'est un drôle d'oiseau et ça mange des pigeons. Pourquoi ? Alors, ma maman, elle pense que je suis un drôle d'oiseau parce que, en fait, j'essaie de la faire tout le temps rire. Alors, du coup, mais en fait, j'y arrive pas. Pauvre. Donc c'est vrai. Non, non, non, si ça va, tu nous fais rire. Toi, tu rigoles, c'est vrai que tu pourrais être ma maman. Non, non, ça va. C'est un côté décalé que tu as choisi de prendre. Pourquoi ce... Carrément. Pourquoi? Parce que, alors, en fait, je pense que à la base, Monsieur Pélican, c'était vraiment, c'est quand je me retrouvais un peu tout seul, comme ça, chez moi, dans la cave. Et en fait, j'ai commencé à écrire un peu, vraiment, c'est un peu des pulsions cheloues, un peu que j'ai au fond de moi, et en fait, qu'il faudrait pas trop dire en vrai, mais que j'ai décidé d'assumer. D'accord. Et t'es tout... là c'est toi, mais alors, qui sont ces deux autres personnes qui t'accompagnent? Depuis quand? C'est quoi le contexte? On est ses guides. C'est ça, en fait. Bah, Juju, donc, on l'amène là où il faut, quoi. Juju, c'est donc la cerise sur le gâteau, et Polo, c'est tout le beurre qui dégouline. D'accord. Un petit peu plus de détails sur pourquoi le beurre qui dégouline et pourquoi la cerise sur le gâteau. Parce que, alors, Polo me remplit. Titre. Et Juju fait que tout ça est beau. Oh. Et du coup, dans le sens concret, qu'est-ce que ça donne? Oh ben, débrouillez-vous. C'est votre boulot, les gars, là, d'être concret là. Bah sinon, tu peux peut-être laisser Juju et Polo répondre. Qui sont en train de se regarder en mode ah, zut, on n'avait pas prévu de parler. J'ai partagé la question. Qu'est-ce que vous faites dans Monsieur Pélican? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, c'est vrai que je suis plutôt concret de manière concrète. En fait, on joue tous les deux des instruments dans Monsieur Pélican. On accompagne Monsieur Pélican sur scène et aussi dans la vie. Voilà. Ah. Vous avez vu quand il est rentré avec sa tête tout à l'heure, il fallait le tenir, qu'il renverse tout, voilà. C'est notre rôle. Alors, effectivement, on voit une énorme tête ronde avec des tout petits trous. C'est pas difficile à voir. Oh, il embrasse. Il s'embrasse lui-même. Il s'embrasse lui-même. Vous avez pas de vision là-dessus, mais c'est beau. C'est très beau. On y viendra juste après sur cette fameuse tête qui est posée sur la table pour l'instant, mais qu'on préfère sur sa tête. je rigole. Donc vous êtes au NJP, du coup, vous passez à 16h15. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez un rituel? Ça va super, même pas peur. Ça se voit du coup dans l'intonation. Il y a un petit peu d'appréhension là, non? Non, mais c'est toujours compliqué de jouer dans un endroit où il y a des oiseaux en cage. Ah, encore? Ah, oui. Ils les ont pas enlevés? Bah, Jojo il est parti, mais c'était pas un oiseau. Ouais, mais je crois qu'il y a plus d'oiseaux, il y a plus à part des chèvres et des poules, on a plus rien à la pépinière, non? Est-ce qu'une poule c'est pas un peu un oiseau? Ah, c'est un débat. C'est plutôt un dinosaure, non, je crois. Non, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a les paons en liberté, mais finalement, est-ce qu'ils sont vraiment libres? Parce que moi j'ai jamais vu par exemple de paons au HM. Non, c'est vrai. Parce qu'on ne pourrait pas faire d'achat. Ouais, c'est compliqué, les gars. Hein? Ah, je vois, là, ça rame du côté des intervieweurs. Ils vont y arriver, ils vont y arriver. Du côté du passage au concert, alors, du côté musical. Ah, oui, du coup, en vrai, ça fait vraiment super plaisir parce que je pense que autant Polo que Juju, je pense que ça fait un paquet d'années quand même qu'on erre un peu dans Nancy et dans les salles de concert. Et en fait, de faire ce chapiteau, c'est un peu la classe pour nous, quoi. C'est la consécration, les gars. Consécration, et je pense qu'après, on va vendre au moins deux écoutes sur Spotify. Ça sent les deux albums vendus, là. Oui. Peut-être trois. Carrément. Ouais. Trois. Non, allez, plus. Si vous voulez, je vous fais des prix. En parlant d'album, justement, vous avez sorti un album, Griffonnage, qui est sorti en juin 2021. Oui. Pourquoi ce titre Griffonnage? Et on est allé regarder les noms pareils. Alors, je vais juste essayer de les retrouver rapidement. Je pense que c'est en lien avec le fait d'écrire dans sa cave, de faire des petits... Non, c'est quand même assez exceptionnel parce que les noms des titres, c'est juste un mot. Alors là, je suis en train de regarder, il y a oiseau, pop, croc, fantasy, merci, radis, jardin, en fait deux mots, oula, égout, cookie, enterrement, miroir à l'envers, miroir. Tout attaché. Ils ont trouvé. Ça vient d'où? Et ben en fait, je pense que on peut griffonner. Enfin, griffonner, c'est vraiment. On pense au dessin au premier abord, mais en fait, je pense que la manière dont j'ai fait les chansons, ça ressemble un peu à des brouillons en fait, parce que c'est une manière un peu. De faire, c'est-à-dire que je vais prendre un micro, je vais enregistrer et c'est ce qui sera sur l'album. Presque. mais dans l'intention, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les morceaux qui peuvent se couper d'un arrêt net. C'est comme si on faisait un dessin, qu'on commençait et puis d'un seul coup on se dit, ouais, bah, soit tu le laisses sur le côté et c'est ce qu'on fait, je pense, un peu tout globalement, et soit en fait un jour on se dit, bah tiens. Si on le sortait un peu pour de vrai. Ok, alors on a vu une publication sur Instagram qui dit que ça mixe en secret. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous préparez? Est-ce que c'est la mise au propre de ce griffonnage? Alors non, on va rester. Bah, peut-être qu'il sera, je sais pas, mais il est en cours de mixage. Donc c'est un deuxième album qui va arriver l'année prochaine. On n'a pas encore forcément de date de prévu. Et si vous voulez, je peux vous donner le titre en exclusivité. Oh ouais, parce oui, que là, à mon avis, ça va faire le buzz. Ah bah, carrément. Gros buzz à Nancy. L'album va s'appeler Anomal. Anomal. Anomal. Et je vais rechercher la définition parce que je me rappelle jamais bien. Ah, c'est pas anormal sans air, non, ça existe vraiment. Anomal. Anomal, ça existe. Ok. Ça veut dire qu'il présente un caractère d'irrégularité. Ah. Donc on reste sur les défauts plutôt. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, on va vous retrouver sur scène dans quelques minutes. Je sais pas quelle heure il est. Oui, alors précisons-le pour ceux qui nous écoutent, car vous jouez effectivement sur la scène et c'est prévu pour quelle heure? Du coup, 16h15, c'est ça? 16h15, oui. Ok, d'accord. Et là, il est 15h. Là, il est quoi? Il est 14h58. Oh là là là là, c'est précise. Pouette, ça fouette. Je l'avais pas vu venir, ça. Très bien. Elle était bienvenue. Très bienvenue. Très bien, je vous remercie. Parce que je cherche un producteur. Quand tu veux. Merci à vous. Et puis bon concert. Merci. Merci à vous, les bisous. Messieurs Pélican et les Madame Pélican. On va écouter tout de suite un de vos morceaux, histoire de faire les choses bien. On va écouter le morceau Oiseau, évidemment, car le Pélican est un oiseau. Et vous êtes toujours sur la Pulsasso Radio, en direct du parc de la Pépinière. A tout de suite pour plus d'aventures radiophoniques.

du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Pulsasso Radio, en direct de 14h à 18h depuis la pépinière en fête et du NJP, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes toujours en direct de Pulsasso Radio avec Radio RCN, Fadjet, Graffiti, Déclic et RCL Radio Campus Lorraine. Nous sommes toujours en direct de la PEP en fait et je suis Mathilde, je serai votre commandant de bord pendant une heure. Nous avons autour de la table qui vient de nous rejoindre Big Fat Band, qui se fera interviewer, même cuisiner par mon ami Johnny Buntar. Merci Johnny. Et Clément, merci Clément. Alors oui, effectivement, tu viens de le dire, Big Fat Band vient de nous rejoindre, alors pas entièrement, car plus de 30 musiciens, tu nous diras le nombre exact après, mais venant en gros des écoles de musique de Vendeuvre et du conservatoire de Saint-Dié-des-Vosges. Alors avec nous, l'un des deux chefs d'orchestre, effectivement, vous êtes deux, il y a Youssef Essaouabi et toi-même, donc Luc Bartoli. Merci d'être avec nous. C'est ça, bonjour à vous tous. Alors la question qui va venir, elle est assez simple. Vous sortez quasiment de scène, comment ça s'est passé? Eh ben, super expérience, super kiff pour tout le monde, pour tous les élèves. Oui. Vous imaginez bien que pour eux, de jouer sur une scène aussi prestigieuse, eh ben, c'est un bonheur total. Ils attendaient ça depuis un petit bout de temps. Oui. L'expérience, elle a commencé il y a un an en fait. Nous, on se connaît très bien avec Youssef depuis une vingtaine d'années. On joue ensemble dans divers groupes. Et on a expérimenté ce qu'on appelle l'orchestre à l'école, c'est-à-dire d'apprendre, de faire apprendre aux élèves des écoles primaires la musique. Mmh. C'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait à la Nouvelle-Orléans. Ah d'accord, ok. Et du coup Youssef a fait quelques voyages à la Nouvelle-Orléans, a rencontré des communautés noires américaines pour voir comment la musique était transmise. Parce que qu'on fait un voyage un peu initiatique là-bas et qu'on ait un cuivre, qu'on ait un trompettiste, un tromboniste ou même un saxophoniste, tout le monde joue de la musique, tous les bars proposent de la musique partout, tout le temps. Et la musique s'apprend à l'école, après l'école. Ouais, souvent associé un peu au groupe de football américain ou des choses comme ça, on les voit sur les stades, etc. C'est ça, c'est d'accord. Un peu l'esprit carnaval, on représente son école, on est déguisé. Avec des tenues, des chapeaux hauts. D'accord, ouais. Voilà, et c'est un peu ça qu'on a voulu communiquer à tout le monde, de faire un peu un esprit de groupe et puis de faire un groupe qui fusionne pour se faire rencontrer deux territoires qui sont l'un à côté de l'autre en fait. Ouais, justement. Oui, la fusion de ces territoires, Saint-Dié et Vendôvre, comment elle s'est faite? Alors, vous l'avez dit, à travers, vous connaissiez déjà, mais au-delà de ça, comment est-ce que ça s'est fait concrètement pour que les deux écoles se rejoignent sur ce projet? Bah, c'est simplement en fait, Youssef il est tromboniste, donc lui il a évidemment une pléthore de trombones qui sont là, qui l'accompagnent. Moi je suis saxophoniste, j'ai beaucoup de saxophonistes, et puis l'idée c'était de qu'on apprend la musique, on est obligatoirement un petit peu plus timide, on n'ose pas souffler encore à plein poumon, se lâcher à fond. Et du coup, si on a un peu des potes à côté qui jouent la même ligne que soi, on est content, on se sent un peu plus à l'aise. Et du coup, c'est dire on va se faire un big fat band, un gros groupe. Et puis on va se voir de temps en temps dans l'année tous ensemble. Mmh. On a fait déjà deux concerts tous ensemble à Saint-Dié, à Vendôvre. Et puis là, c'est le troisième ici. Parce que des répétitions, tout ça, comment ça s'organise? Il y a un calendrier. Bah, on se débrouille, mais on fait des trucs, un peu hors normes. On a fait, je sais pas, on a joué pour le golf de Saint-Dié. Imaginez tout un big band sur un golf qui joue. Et puis après, la ville de Saint-Dié nous a laissé des appartements le soir, donc on a passé un week-end complet. À Vendôvre, on a fait un peu la même chose. On est venu un week-end. On a vu un film. Un très beau film sur un documentaire français, The World Gritty City, si je me trompe pas le titre du film, parce que c'est un documentaire exceptionnel sur le côté social, comment des jeunes noirs américains réussissent à s'en sortir dans la vie grâce à la musique, parce que pour eux c'est la discipline de la musique qui les aide à pas sombrer dans la violence, dans la drogue, etc. Et c'est impressionnant de voir comment ils sont impliqués dans leur communauté pour jouer quoi. D'accord. Ouais, donc c'est pas uniquement un projet musical, il y a aussi un fond social derrière. Exactement. Alors après, effectivement, je vais revenir un peu sur ce qu'on disait en introduction. Visuellement, donc pour ceux qui n'étaient pas là, on a 30 à 40 musiciens sur scène. Ouais. Alors, combien exactement vous êtes? On est 38, je crois. 38, donc on n'était pas loin. C'est plutôt impressionnant visuellement. Alors, pour eux, ça l'est aussi, mais ça l'est aussi pour nous, finalement. Ça va un peu dans les deux sens. Et je voulais savoir quelle était la mise en... Comment on met ça en place, finalement, 38 amateurs de musique à les faire jouer ensemble? Bah en fait, il y a un gros travail d'écriture déjà de la musique qu'on a fait avec Youssef, où on essaye de voir des morceaux qui soient jouables pour tout le monde, de trouver des harmonies qui fonctionnent. Et puis après, on fait travailler avant tout les vents à part, parce que c'est eux qui demandent le plus de travail sur le phrasé. Et puis après, il y a tout l'aspect rythmique. Cette clave de la Nouvelle-Orléans, faut essayer d'intégrer ce rythme-là pour se caler dessus, donc de danser en même temps de jouer. Et puis après, on essaye de faire 3-4 réunions avec les deux orchestres finalement qui se rencontrent, qui jouent ensemble. Et puis tout le monde arrive à se raccrocher les uns les autres facilement, en fait, assez facilement. Oui, parce que alors c'était aussi une des questions qui nous venait derrière. Est-ce que du coup il n'y a pas forcément la place à l'improvisation? Ah si, quand même. Si, si. Parce qu'on voyait, Clément le disait hors antenne, il y avait justement de temps en temps un musicien qui venait voilà, tout seul face au public. Voilà, et là c'est, par contre c'est complètement libre. Alors à Saint-Dié on a un petit département de jazz qui existe depuis 6-7 ans qu'on essaye de faire grandir. On prend exemple évidemment sur le conservatoire de Nancy qui est la référence même dans le Grand Est, avec un très gros département de jazz et de bonne qualité. Et puis bah non, là les élèves c'est leur petit moment solo où en fait rien n'est prévu, et puis qui a envie d'improviser, c'est toi, c'est parti. Et puis et ça se prévoit à l'avance quand même. On leur donne quelques petites notes à jouer. Mais je veux en dire fait, celui qui s'élance tout seul, ah oui, oui. Il est au courant. Il est au courant, ouais, que voilà. C'est lui. Ouais, non, il est au courant que c'est lui. C'est vrai que là, on lui fait pas de coup de travailleur. Ouais, c'est ça. Allez, dépêche-toi. Ouais, ça doit faire bizarre, ça. D'accord, ok. Donc c'est plutôt, voilà. Même... C'est une bonne idée, on le fera peut-être la prochaine fois. Bah, plutôt au golf de Saint-Dié. Je pense qu'il y a moyen de se liquéfier tout de suite. Ouais. Ouais, j'avais aussi une question par rapport à votre répertoire. La prog vous définit comme un matching band sauce Popeye. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Cuivre, ouais, c'est pas très éloigné, il y a beaucoup de fer dans les épinards. Est-ce que c'est lié à ça ou Oui, c'est un peu lié à ça. Puis c'est Popeye, quand il mange des épinards, il devient plus fort, il devient plus gros. Donc c'est voilà, normalement le big band traditionnel, il y a 5 sax, 4 trompettes, 4 trombones, voire 3 trombones. Bon, bah là, il y a 8 trombones, 6 trompettes, une bonne dizaine de saxophones. C'est le fait d'être plus gros que ce que la formule traditionnelle du big band, c'est déjà important en big band. C'est la queue du paon qui s'ouvre. Voilà, c'est ça. On est plus fort, on fait plus peur. C'est ça. Et oui, effectivement, on parlait de la Nouvelle-Orléans. Alors, marching band, c'est quoi concrètement, marching band? Bah en fait... Bah, c'est ce que vous avez dit, comme on représente sa communauté, son quartier, son école, souvent, et ben on défile. Normalement, à la Nouvelle-Orléans, c'est les marching bands qui défilent, qui jouent et qui rameutent la population vers un concert ou vers un lieu. Donc là, on n'a pas fait de marching band, mais c'est la même musique, par contre. D'accord, ok. Sans les costumes. Sans les costumes. Voilà. Et justement, alors effectivement, on parlait d'un répertoire très brass band. On a des reprises. J'ai cru entendre les Fugees, si je dis pas trop de bêtises. Ouais. Et puis en coulisses, je parlais un petit peu avec Max, l'un de vos trombonistes, qui me parlait justement d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle les Youngblood Brass Band. Exactement. On a aussi Trombone Shorty, des influences un peu comme ça. Mais Youngblood Brass Band, c'est un petit peu ce que tu définissais tout à l'heure, des groupes, des quartiers un peu défavorisés qui arrivent à s'élever grâce à la musique. Ouais, d'accord, okay. Alors eux ils sont à New York, donc il y a quelques influences comme ça extérieures à la Nouvelle-Orléans, mais ils se revendiquent de la Nouvelle-Orléans dans la musique, quoi. D'accord. Et mais justement des influences qui peut-être qui lorment du côté du hip-hop, on parlait des Fugees. Voilà. C'est vrai que le brass band est carrément nourri de tout ça, quoi, ces influences là. Ouais. Lauryn Hill, c'est assez étonnant comme c'est vraiment une icône pour la Nouvelle-Orléans. Ses morceaux sont super repris par les brass bands. D'accord. Bon, maintenant, même si ça date un peu, parce qu'elle a plus fait l'album depuis longtemps. Mais on a pris aussi... ils reprennent des vieux morceaux de funk des années 70, 80, qui refont un peu dans une sauce un peu hip-hop, un peu plus dure. Mmh. Et puis, oui, il y a des morceaux comme ça qui marquent parce que les paroles sont touches. Et puis même pour les jeunes musiciens, c'est aussi un moyen de se raccrocher un peu à... Ah, des choses plus classiques, là on sort un petit peu des carcans du, on va dire, de la musique classique, enfin du jazz classique, ouais, etc. Voilà. On va nous attirer aussi différemment. Ah bah comme oui, ça. Complètement, oui, c'est des morceaux. Là on n'en a pas fait, mais on avait pris des morceaux de Rihanna par exemple. Ah trop bien, ouais. Voilà. Donc on reprend tout ce qui marche et ce que les jeunes écoutent, on le joue. Au niveau des deux écoles, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Est-ce que déjà vous focalisez dans chacune des deux écoles sur un seul genre ou vous allez un peu au-delà de ça? Et puis si jamais il y a des gens qui veulent nous écouter, enfin qui nous écoutent, qui veulent rejoindre, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Bah, en fait, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'adultes finalement. Il n'y a que dans les, entre guillemets, les grands conservatoires qu'il y a un âge limite et que passer 18-20 ans, c'est compliqué de s'inscrire. D'accord. Mais dans des conservatoires un peu régionaux comme celui de Saint-Dié ou des écoles de musique comme Vendeuve, en fait, on peut avoir 70 ans et se dire, moi, j'ai toujours rêvé de faire de la trompette, est-ce qu'il y a moyen ? Et on a des gens ici que vous avez vus qui ont 3 ans d'instrument et qui se sont mis à 65 ans. On a vu monsieur qui a fait son solo de ténor. voilà. Donc, on a tous les âges, donc on est vraiment ouvert à tout le monde. Après, c'est sûr que Vendeuve, comme ici, il y a une base un peu classique où on apprend à lire la musique, on apprend les techniques classiques d'embouchure, mais comme tout le monde en fait, à faire quelques gammes, à apprendre ses doigtés sur son instrument. Et puis rapidement, c'est le collectif qui fait qu'on se sent à l'aise avec l'instrument, on fait partie d'un petit orchestre. Alors on découpe ça en cycles parce qu'on est obligé, un orchestre premier cycle où on joue tout de suite avec d'autres personnes, avec des enfants ou des adultes. Et puis après, quand on est encore un peu plus à l'aise, on intègre justement le big band. D'accord, ok. Ouais, voilà. Ouais. Ça permet un petit peu de, ouais, effectivement de gonfler, d'être un peu plus fort, quoi. C'est ça. Alors ben, on va arriver un petit peu à la fin de cette interview. Moi, j'aimerais savoir un peu quelle est la suite du projet. Est-ce qu'il y a des choses qui se précisent ? Alors il y a une suite au projet, ouais, parce qu'en fait tout le monde est un peu... Est-ce qu'il est récent finalement ce projet ? Ouais, il est récent, il a 6 mois. Ah d'accord, près, c'est ouais. Tout frais, d'accord. Oui, c'est okay. Tout frais, ouais. Donc là, on va dire qu'on a fini un peu la première partie du projet avec la Nouvelle-Orléans. La deuxième partie, c'est d'explorer un peu toute la musique soul, funk, et puis de jouer un peu plutôt du big band instrumental sans chant. D'accord. En mettant un peu plus en valeur l'improvisation, en faisant un peu jouer tous les élèves sur une partie un peu plus improvisée. Puis voilà, le futur rendez-vous, c'est dans quelques mois, le 3 et 4 juin. Okay. 3 juin à Saint-Dié, 4 juin à Vendeuvre. Okay. Et là, on va faire un gros concert sur la funk. Une mini tournée, quoi. Voilà, une mini tournée. Ouais, ça va faire kiffer les jeunes. Voilà, c'est ça. Et les moins jeunes, d'ailleurs, parce que oui, ceux de 65 ans vont prendre du plaisir aussi. J'en doute pas. Ok. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir, Luc Bartoli. Merci à vous. Et bon retour à Saint-Dié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va s'écouter du coup un morceau qui s'appelle Global de Big Band Jazz Collective. Et on se retrouve juste après pour une discussion entre Vicky et Margot et le pôle prévention du NJP. Thank you. Pulsasso Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pépinière en Fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, vous êtes toujours en direct de Pulsasso Radio avec, je rappelle, RCN, RCL, Fadjet, Graffiti et Déclic. Vous pouvez entendre juste derrière nous Monsieur Pélican jouer sous chapiteau. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Vicky et Margot pour nous parler prévention. Alors, il me semble que tu as oublié Radio Campus Lorraine. Je suis un petit RCL. Peu déçu. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Autant pour moi. Autant pour moi. On retrouve autour de cette table donc Roman Henry, donc, qui est spécialiste dans la prévention des violences sexistes et dans les milieux festifs. Décidément, j'ai du mal. Vous êtes donc salarié pour le Nancy Jazz Pulsation. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux poser la première question, Margot ? Oui. Allez, vas-y. Ce qu'on aimerait vous poser comme question, c'est, selon vous, comment est-ce qu'on peut définir les violences sexistes ? Vaste question. Les violences sexistes, il y a plusieurs niveaux. Ça va aller de la moindre main aux fesses, on va dire, de l'outrage, ça va être, je sais pas, une remarque déplacée, voilà, ce genre de choses. Et puis après, ça va aller crescendo jusqu'à l'agression sexuelle ou même malheureusement au viol parfois. D'accord, donc il y a différents échelons, c'est ça ? Exactement. Différents échelons, alors on entend souvent oui, mais c'est parce qu'elle l'a cherché ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ce genre de comportement ? Que déjà on n'a pas le droit de dire ça. Effectivement, on l'entend très souvent, mais il faut se dire qu'on est en 2022, que les choses évoluent lentement, mais qu'elles évoluent, et que on se doit de respecter tout le monde. Moi je parle des violences sexistes, mais on a aussi toutes les violences d'une manière générale, et ce que je dis est valable pour tout. Voilà, on est dans le respect, on est dans la bienveillance. Il n'y a jamais une femme qui va l'avoir cherchée parce qu'elle était en mini-jupe ou parce qu'elle avait un décolleté un peu trop profond. Ça, c'est mort en fait. Il y a le consentement, il y a la loi aussi de manière générale. Voilà, une victime ne l'a jamais cherchée, c'est toujours l'agresseur qui est en tort. J'ai oublié ma question du coup. Moi j'aimerais vous poser comme question, pardon, à partir de quel moment on sort du cadre légal ? Dans Comment le sens ça ? Où à partir de quel moment ça devient une violence sexiste ? À partir de la moindre insulte ou remarque déplacée. Puisque dans la loi maintenant, on peut déposer plainte pour outrage sexiste. Donc outrage sexiste, c'est une remarque déplacée ou une insulte, quelle qu'elle soit, à caractère évidemment, pour le sexiste en tout cas, portée sur le sexe. Alors est-ce qu'on pourrait avoir un ou deux exemples peut-être ? D'outrage sexiste ? Oui. T'es bonne. Voilà, ça c'est. On peut déjà déposer plainte pour ça. Malheureusement, on peut difficilement le prouver, donc après, bon, c'est toujours compliqué au niveau des processus, mais à partir de là, le moindre t'es bonne peut ouvrir dépôt de plainte et donc problématique. Et puis, je sais pas, aller dire au bar à la serveuse. Ah, tu peux m'offrir un verre parce que t'es vraiment bonne, ou je peux t'offrir un verre parce que t'es vraiment bonne, c'est mort. Ou aller voir, par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'artistes qui m'en ont parlé, les artistes féminines DJ par exemple, on va avoir tendance à aller les déranger parce qu'elles sont femmes et qu'elles elles n'ont pas la légitimité d'être sur scène. Voilà, donc ce genre de petites remarques aussi, c'est des outrages sexistes. Est-ce que qu'est-ce que tu es mignonne, qu'est-ce que tu es belle, c'est un outrage sexiste ? Ça dépend. Si c'est une fois comme ça et puis qu'après on s'en va, non. Par contre, si c'est 10 fois dans la minute ou vraiment à caractère répété en tout cas et trop, enfin proche et avec insistance, alors oui. Mais là, est-ce qu'on se rapprocherait pas un petit peu du harcèlement ? Si. si, on se rapproche du harcèlement. La limite est malheureusement très fine et très compliquée à définir pour nous, pour la loi et pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, à quel moment ça devient du harcèlement. Effectivement, le t'es mignonne, ben voilà, c'est aussi de la drague. Enfin voilà, et c'est, je pense que le du moment où ça devient vraiment très répété, on passe effectivement dans le harcèlement. Si je suis témoin d'une violence sexuelle, quel est le comportement à avoir ? À NJP ou dans la vie de manière tous les jours ? Sur le NJP déjà, dans un premier temps, puis si vous voulez, dans un deuxième temps, dans la vie de tous les jours. Ouais. Alors, à NJP, plusieurs choses si on est témoin. On a l'application Safer qui est sur place. Donc c'est une application qu'on peut télécharger sur le téléphone qui géolocalise les gens via la géologue du téléphone. Et on a plusieurs niveaux d'alerte. Et donc le premier, c'est je suis témoin de quelque chose. Et donc on peut déclencher une alerte. Et il y a des personnes qui sont formées, des bénévoles ou moi ou mes collègues qui peuvent intervenir et venir voir un peu ce qui se passe. Voilà. On a aussi les cocktails anti-relous qui peuvent permettre aussi, voilà, si on est témoin ou victime d'ailleurs, hein, de pouvoir enclencher aussi tout un processus. Voilà. Et puis dans la vraie vie, dans l'idéal, je dirais que c'est d'intervenir, jamais tout seul, jamais se mettre en danger, mais d'intervenir en destrayant, en déléguant. Voilà. Il y a plein de petits tips comme ça d'intervenir, mais toujours en se mettant en sécurité quand même. Et si si j'étais une femme et que j'étais victime de ce genre d'agression, est-ce que ou de violence, est-ce qu'il y a un autre moyen que l'application Safer pour mettre au courant l'organisation du sur le festival? Oui, bien sûr. Alors donc il y a Safer, mais c'est une application, donc voilà, on l'a pas forcément téléchargée, etc. Il y a le cocktail anti-relou dont je parlais, donc on peut aller au bar demander un cocktail. Le nom de code est un peu dissimulé partout dans le festival. Qui déclenche aussi un appel aux équipes qui sont formées. On a aussi un stand de prévention sur lequel il y a plusieurs assos et des bénévoles qui sont également formés à ça, donc on peut aller, joindre. Il y a un numéro d'urgence aussi qui est mon téléphone sur lequel on peut m'appeler toute heure du jour ou de la nuit. On peut de manière large aller voir les agents de sécu parce qu'on a formé les agents de sécu à accueillir les victimes. Donc on peut aller les voir. Nous, je suis en permanence relayée à eux via une radio. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et je parle des agents de sécu, mais aussi toute personne du staff de manière large. Est-ce que tu as une dernière question, Margot ? J'ai pas vraiment de dernière question, non. Une petite remarque pour la fin ? Petite remarque, eh bien, j'aimerais bien que tout le monde soit bienveillant, bienveillante envers tous sur ce festival. Très bien, je vous remercie Roman Henry. Je vous rappelle que vous êtes salarié spécialisé dans la prévention des violences sexistes dans le milieu festif et vous travaillez pour le NJP. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous en tout cas. Tout de suite, on va écouter Bon Jovi, It's My Life, et ensuite nous appellerons Clément et Swan pour faire un petit point d'ambiance sur le NJP. Song for the broken-hearted. Tomorrow's getting harder, man. Pulsation Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pépinière en Fête, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, vous êtes toujours sur Pulsation Radio avec Radio RCN, Radio Campus Lorraine, Fadjet, Graffiti, Déclic. Et tout de suite, on est au téléphone avec, si je dis pas de bêtises, avec Clément et Swan. Clément et Swan, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais... Est-ce que vous m'entendez? On est à l'antenne, là. Oui, oui. Alors, où est-ce que vous êtes? Alors là, on est près... Voilà. Je crois que nous allons abandonner le phoneur, de ce que je comprends, parce qu'on vous entend très très mal. Non, je crois qu'on arrête, on abandonne ce phoneur, on vous raccroche au nez, je suis désolée. Parce qu'on vous entend très très mal, malheureusement. En fait, l'ambiance est tellement chaude au NJP qu'il est très difficile de passer un coup de téléphone en plein milieu de la fosse. Ah, est-ce qu'on peut activer le micro de... C'est clair, on me censure. Non mais c'est vrai, tout à l'heure déjà avant on m'avait coupé mon micro, j'étais un peu outrée. Du coup, oui, comme je disais, l'ambiance est tellement chaude au NJP que c'est compliqué de passer un appel téléphonique. Du coup, on va tout de suite enchaîner avec Gaspard et Julien, excusez-moi, qui vont nous parler environnement, c'est ça les garçons? Tout à fait, on a avec nous, tu es qui? Tu es qui? Oui. Ah, t'as pas ton micro encore. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Cool. Bah, moi, je m'appelle Victor Trapp et je suis chargé de la transition écologique et du développement durable pour le festival Nancy Jazz Pulsation. Alors, ça commence à se voir de plus en plus. Il y a de plus en plus de festivals qui, du coup, prennent en compte la notion écologique. Est-ce que, d'après toi, c'est un truc qui marche de mélanger écologie, musique et festival? Je pense que d'une part oui ça marche, et de deux ça devient un peu une obligation vu l'urgence climatique et l'urgence à agir dans cette matière. Je pense que la prise de conscience elle est là, et les intérêts à agir oui sont existants. Et quand tu fais un festival, à quoi il faut penser pour faire en sorte que ce festival il soit éco-responsable? À tout. En fait l'écologie est une discipline tellement transversale qu'il faut en fait essayer de scruter chaque facette qui peut intervenir, donc pêle-mêle comme ça, les mobilités, l'alimentation, les déchets, l'énergie, l'eau, tout l'aspect social aussi sur l'accessibilité, sur l'égalité, etc. etc. Voilà, en fait, un festival, c'est un peu le miroir d'une sorte de collectivité, quoi. Donc il faut essayer d'améliorer tous les pans de cela, quoi. Le NJP a l'air particulièrement investi dans cette question-là. En tout cas, vous êtes engagé dans la charte éco-manifestation depuis 2019. Et l'année dernière, vous êtes passé au niveau 3, et donc vous avez 86 points sur 100, un truc comme ça. Donc ouais. Vous avez l'air exemplaire, en tout cas dans le milieu. Exemplaire, oui. Enfin, en tout cas, on remplit cette charte, donc ça c'est cool. On peut maintenant on peut se défendre sur plein d'actions qui ont été mises en place donc par Justine Loubet, la directrice adjointe, dans sa prise de fonction en 2018. Et là, avec moi, mon arrivée, on arrive à développer beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, on a fait monter NJP d'un cran là-dessus. Et c'est vrai que cette labellisation, elle est importante, puisqu'on est passé du niveau 2 au niveau 3 et presque aux 100 points. Donc effectivement, on peut montrer qu'on met plein d'actions en place. C'est cool. Et surtout, là, ce qui est important, c'est de pouvoir les pérenniser et surtout les améliorer et ensuite aller toujours plus haut. Et qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est une liste de choses à faire? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette charte? Alors, cette charte, voilà, c'est 100 actions qui ont été identifiées donc par l'association Eco-Manifestation Alsace, et en fait qui permettent, comme je le disais, en fait qui traitent sur plein de des aspects en fait de l'écologie, et surtout comment on rend un festival plus vertueux. Et voilà, donc ça va être sur l'eau, sur comment on gère ses déchets, est-ce qu'on propose quelles solutions en termes de mobilité, comment sont gérées nos énergies, comment on se fournit, est-ce qu'on fait attention à l'alimentation locale, est-ce qu'on propose de la vaisselle réutilisable. Donc tout ça maintenant on le fait à NJP. D'ailleurs, si vous voulez passer au stand durable, je pourrais vous en parler, parce que cette année on a aussi également mis un stand durable avec plein d'animations là-dessus, sur la sensibilisation et surtout sur la mise en valeur des actions d'NJP et des acteurs et actrices du territoire. Je comptais y venir à la question tu parles du stand du coup éco-responsable, c'est ça? Durable. Durable. J'ai vu sur le site, en tout cas, il y a l'air d'avoir plein d'ateliers de sensibilisation, en tout cas par rapport à ça, ça a l'air d'être un vrai truc. Ouais, alors du coup, le stand est là toute la semaine donc sur le site du Chapiteau, à la Pépinière. et on propose en fait en continu un panel d'animation. Alors on a un DJ à l'énergie solaire, on a une cible de fléchettes, on a une fresque participative sur les actions du quotidien, on va avoir des ateliers bilan carbone et également donc deux concerts avec d'autres structures et d'autres intervenants. On va avoir des ateliers pour faire des produits maison avec la métropole du Grand Nancy, un atelier de paillettes biodégradables le vendredi 14 pour la soirée reggae, et on va également avoir aussi une friperie et un atelier de broderie minute. Oui, donc en fait c'est des actions pas seulement au NJP mais aussi au quotidien. Ah bah oui, toujours, je pense que l'écologie est un combat de tous les jours et il faut être nombreux à le mener pour qu'on arrive à un but, à atteindre ce but. Vous êtes aussi engagé dans la charte Drastic and Plastic, c'est quoi exactement? C'est une charte qui vise à essayer de supprimer le plastique du festival. Alors c'est une tâche qui s'avère plutôt pharaonique puisqu'il y a encore énormément de choses. Il faut d'abord en fait un peu mettre des priorités aux choses. Donc d'abord le plastique à usage unique. Nous au niveau de la vaisselle et des gobelets, on a réussi à le supprimer. On a réussi à le supprimer en loge, enfin sur presque tous les espaces staff. Au niveau du public, on n'en a presque plus. On ne distribue plus de bouteilles d'eau en plastique puisqu'on a installé des fontaines gratuites pour tout le public. Et voilà, donc nous on essaye de les supprimer, on essaye d'avoir des choses plus durables, essayer de remplacer par d'autres matières moins impactantes. Et voilà, en tout cas on y travaille à fond. J'ai aussi vu une scène sur le Nancy Jazz Pulsation qui est alimentée en énergie grâce au vélo. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors donc c'est une scène qui est là à quelques centaines de mètres de nous, et donc c'est une scène mobile qui a été construite dans le projet Ma Ville Mon Projet, et qui là aujourd'hui est alimentée par les bicyclettes à courant de l'atelier Dynamo. Et surtout c'est le public qui alimente, en fait c'est le public qui pédale pour écouter de la musique. Donc je trouve que c'est une belle image en fait d'être vraiment acteur du changement, parce que là c'est littéralement le cas quoi. Et combien il y a de personnes qui sont... Alors là il y a eu... Alors s'il y a personne qui pédale, il n'y a pas d'électricité, c'est sûr. Mais c'est bien, c'est encore une belle image en fait. Si personne ne fait rien, ça ne fonctionne pas. Et voilà, je trouve que voilà, c'est une belle représentation de ce qu'on essaye de faire et de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que les choses aillent mieux quoi. D'accord, en tout cas c'est un beau projet. Et c'est où du coup sur la... Alors c'est dans les terrasses de la pépinière, donc c'est derrière le Magic Mirror, entre le Magic Mirror et l'avenue du 26e régiment d'infanterie. D'accord. Il faut combien de personnes pour faire fonctionner la scène, juste pour donner un ordre d'idée? Alors pour vous dire, la sono fait 1000 watts, mais les vélos, là il y en a une dizaine d'installés. Alors j'ai arrêté la physique il y a longtemps et c'est pas du tout mon domaine, mais là en tout cas ça fonctionne même très très bien, au-delà de nos espérances. Donc moi je suis très très content et je me dis que bah voilà, en fait un autre futur est possible, et en fait les alternatives, quand on les cherche, on peut les trouver. D'accord. Et ce projet, ça fait combien de temps qu'il est en place? Enfin, la recherche, la démarche, au niveau des vélos pour la scène. Au niveau des vélos pour la scène, ça date de cette année. Il y avait eu une expérience en 2018 ou 2019. Voilà, il y avait déjà eu un projet de scène et là on a réitéré, et le but c'est aussi de pouvoir décupler cet usage de la dynamo. On a aussi sur le stand, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, un vélo qui peut produire, alimenter des synthétiseurs et une boule disco. On est en train de fignoler là et qui sera disponible dès demain sur le stand durable. D'accord, et ben en tout cas vous auditeurs, on vous encourage à venir au NJP pour voir cette fameuse scène et venez pédaler aussi, parce que sinon il n'y a pas de concert. En effet. Et du coup tu nous as parlé là de tous les trucs que... Enfin, toutes les actions que vous menez pour l'environnement. C'est quoi les prochains points sur lesquels vous aimeriez vous améliorer pour l'année prochaine, dans le futur? Alors il y en a beaucoup, hein, parce que personne n'est parfait, ça c'est sûr qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Le but ce serait aussi de, je pense, renforcer encore plus les circuits courts. Pour l'instant on est à 55% de produits locaux sur le snack et sur l'ensemble de la carte des bars. Le but c'est d'aller encore toujours plus loin, je pense, là-dedans. On aimerait bien aussi, là cette année on a lancé les bols consignés pour supprimer les assiettes jetables. Moi j'aimerais bien aussi encore plus de consignes. On peut aussi également améliorer notre mix énergétique en développant les dynamos. On a fait l'acquisition d'un panneau solaire, donc le DJ qui joue tous les soirs au stand est alimenté par un panneau solaire, donc il est totalement indépendant là-dessus. Et il y a aussi encore beaucoup de choses sur les mobilités, réussir à motiver encore plus de gens à venir à vélo ou à pied, et surtout troquer leur voiture pour des modes de transport plus doux. Voilà, et je pourrais en parler pendant des heures, là je sais qu'on a que quelques minutes tous ensemble, mais voilà, il y a encore plein de beaux projets, et ce qui est super important c'est que vous, public, vous êtes les principaux acteurs et actrices de ce changement. Donc ce que nous on aimerait bien mettre en place, il faut que vous nous permettiez qu'elle réussisse. Donc c'est en fait, il faut qu'on aille tous dans la bonne direction. Ok. Et est-ce que vous avez des choses qui sont mises en place pour réfléchir à quel impact j'ai Parce que là, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Est-ce qu'on sait, par exemple, quelle empreinte carbone a le NJP et comment on évalue tout ça? Alors, il y a une méthode qui s'appelle le bilan carbone. On est à l'étude là-dessus. Il n'y a pas encore eu de décision de prise sur est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. On pourra le faire. C'est sûr que ça va nous donner un chiffre qui va être intéressant. Là, en tout cas, nous, avec toutes les actions qu'on mène, je pense qu'on essaie de le diminuer. Après, voilà, la question, c'est comment on interprète ce chiffre. Et voilà. Mais avec moi, le bagage de connaissances et maintenant les avancées dans la matière, on sait à peu près qui sont les plus impactants. C'est vraiment en termes de, en tout cas, si on parle de carbone, ça va être les mobilités et l'énergie. Voilà. On va essayer d'y travailler. Il y a encore beaucoup de freins dans ces domaines-là, notamment liés à la recherche, mais aussi aux usages, en fait, du public. Et un public qui n'est pas prêt à changer sur la mobilité, c'est compliqué. Donc nous, on donne les outils aussi pour le faire. Là, avec le parking à vélo qui est éclairé, qui est surveillé, ils sont disponibles dans toutes les salles. La ville aussi est en train d'améliorer aussi son politique de mobilité là-dessus. Et nous, on essaye aussi de jouer là-dessus pour faire remonter des infos et qu'on soit aussi dans une démarche par le public, avec les parties prenantes, avec les prestataires et les artistes, etc., etc. Pour que vraiment, je reprends l'image, qu'on soit tous dans le même bateau, il faut qu'on rame du bon côté. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ce point écologie. C'est vrai qu'il est très important de faire attention maintenant, surtout dans les conditions actuelles. Je vous propose tout de suite d'écouter le morceau Ti-Ti-Ti du Chapelier Fou. Le technicien me met des bâtons dans les roues avec ses titres. Et juste après, on revient avec Élise et Chloé qui vont nous présenter du coup la Davina. Sasso Radio, en direct de 14h à 18h depuis la Pépinière en Fête et du NJP, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, vous êtes toujours en direct de Pulsasso Radio. Vous pouvez entendre juste derrière nous Monsieur Pélican, vraiment très très fort d'ailleurs. Il s'en donne à cœur joie là. Ah ça, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. On peut lui demander de baisser le son, mais je pense pas qu'il voudra là. Et juste après, vous pourrez retrouver la Davina sur scène, mais juste avant, ils sont sur notre plateau pour être interrogés par Élise et Chloé. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Mathilde. Alors oui, avec nous, nous avons le duo La Daniva. Alors nous avons Jacqueline Bagdasarian. Je suis désolée si je prononce mal. Non, c'est bon. Ah super, je me suis entraînée, j'avoue. Et nous avons aussi Louis Thomas, plus facile à prononcer, merci. Donc vous êtes chacun, alors vous êtes chanteuse et plutôt multi-instrumentiste. Et donc du coup, expliquez-nous un petit peu déjà le nom du groupe La Daniva, ça veut dire quoi? Alors bonjour à tous. Ça vient de marque de voiture soviétique Lada. C'est une 4x4 de la Daniva. On l'a choisi un peu en rigolant son nom parce qu'on a su que nos deux pères ils ont cette voiture et on s'est dit allez, c'est marrant. Son père en France et mon père en Arménie. Donc on s'est dit allez, on va s'appeler comme ça, c'est marrant. La coïncidence, ouais. Ouais, c'est ça. Ça vous est déjà un point commun. C'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés du coup? On s'est rencontrés dans un petit bar de jazz à Lille. Et il y avait un jam, session jam. Et on faisait à l'époque tous les deux du jazz. Voilà, Louis il fait toujours du jazz. Et voilà, je chantais, Louis il a joué. Il y avait un coup de foudre. Foudre, je sais pas comment dire. C'est bien, un coup de foudre, oui. Oui, oui. Ça, ok, ouais. Voilà, et du coup, et depuis ce moment-là, on joue ensemble. Vous êtes plus quittés donc depuis fin 2019, c'est ça? Ouais. À peu près, ouais. Non, mais on s'est rencontrés même avant, on a joué déjà avant. Mais la Daniva, elle existe depuis le Covid, donc 2 ans oui. Et demi. Ah oui, le Covid vous a pas empêché de vous mettre ensemble, ouais, le duo est formé. Ah oui, c'est ça qui est marrant, au contraire, parce qu'en fait, on a sorti, tout ce qu'on a fait, c'est grâce à les réseaux, en fait. Parce que les gens, ils ont été à fond dans les réseaux, il y avait un gros partage, il y avait la communauté arménienne qui a partagé à fond, et ça n'a pas propagé comme ça. Vous faisiez des lives sur les réseaux sociaux ou... Ouais, voilà, on préparait des petits morceaux à la maison et puis on faisait des petites vidéos vite fait, quoi. Ouais, c'était plus des clips, on faisait pas trop des lives, sauf s'il y avait des festivals, par exemple Transmusical ou des Eurosonic aussi, c'était en live à l'époque. Mais sinon, quand on sortait nos morceaux à nous, c'était des clips qu'on faisait nous-mêmes ou avec mes amis. Et du coup, comment vous mélangez tous ces univers? C'est vrai que la Daniva, c'est... un univers plusieurs univers en un seul, quoi, on va dire. Vraiment on mélange juste les musiques qu'on aime, quoi. Mmh. On se laisse guider juste par nos goûts, en fait. Ouais. Donc on peut dire que c'est la passion qui vous anime, qui anime votre musique aussi. Oui. Ouais. Qu'il y a réellement un coup de foudre entre vous, ça a été une alchimie tout de suite qui a créé du coup cet univers qui oui, vous est ça. Propre à tous les deux. Oui, du coup en fait Louis c'est un voyageur, quand on s'est rencontré il a déjà fait plein de voyages de Amérique latine, en Afrique, et du coup il a ramené ses influences dans ses créations, et moi j'ai ramené côté arménien, balkan, slave dans nos influences, ou pop russe aussi. Donc voilà, tout ça c'est un mélange. Un beau mélange. Vous avez parlé de l'Arménie, du coup, qui est votre pays d'origine, si je ne dis pas de bêtises. Je suis arménienne. Est-ce que vous êtes inspirée du génocide ou du conflit, de la guerre actuelle qui se passe là-bas? Bien sûr, en fait, ça m'influence parce que j'ai toujours la famille en Arménie. Du coup, les conflits, ça me touche directement dès que ça se passe. Et on a fait une chanson qui s'appelle Aurore, qui parle de ce conflit et de mes sentiments personnels par rapport à cet événement-là. Et malheureusement, oui, le conflit continue, il recommence encore. Et j'en parle pendant les concerts, quand juste j'ai besoin de parler aux gens, de raconter qu'est-ce qui se passe, qu'il existe un petit pays avec une grande histoire. Et voilà. Mais après, sinon, j'avoue que moi, je n'aime pas parler de politique à la base. Et je préfère ne pas aussi politiser nos chansons et de plus partager l'amour et la joie. Voilà. Et après, la mélancolie, la tristesse aussi. C'est joliment dit. Oui. Très bien. Alors, vous avez sorti plusieurs singles. Enfin, vous avez plusieurs singles. Est-ce que vous allez préparer un album? Là, on est vraiment à fond là-dedans. Et tu veux raconter un peu le peut-être? Racontez-nous. Ouais, bah du coup, on est carrément en train de préparer un album qu'on compte sortir en avril 2023, si on arrive à respecter nos délais prévisionnels. Bah, là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour l'instant? À plein de trucs. Ah, d'accord. Vraiment, en fait, on a finalisé un morceau et on est en chantier sur plein d'autres morceaux en parallèle. Mais ouais, on travaille beaucoup sur chaque son. On peut dire que vous êtes à combien de pourcents de ce projet? Franchement, c'est dur à dire, mais je dirais 30, 20, tu dis, ouais. 20%? Ça va, vous avez encore quelques mois d'ici avril. Ouais. Et comment ça marche justement? C'est qui compose? C'est qui fait les paroles? Bah alors déjà, il faut qu'on tombe d'accord. Donc des fois, il y en a un qui fait une proposition ou l'autre, et on se le soumet l'un à l'autre, et il faut qu'on soit tous les deux OK. Et après, les paroles, bah, dès que c'est en arménien ou en russe, c'est Jacqueline qui écrit. Hein. Et moi, j'essaie d'écrire aussi des petites paroles en français. Parce que vous faites plusieurs instruments, c'est quoi exactement Ouais, et ben là, du coup, dans l'album, on joue tous les deux des instruments. Jacqueline aussi, elle joue des instruments. Il y a un morceau... Sur la scène. Non, c'est vrai. Pas souvent sur la scène, mais ça arrive. Mais autrement, bah, dans l'album, elle enregistre aussi des percussions. Elle a fait des petites parties de piano, des parties de cavaquinho. Et moi, je joue des trompettes, des flûtes, des guitares, des percussions. La contrebasse, piano, t'as dit trompette aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça en fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Les petites flûtes de tous les tailles. Est-ce que vous avez déjà une idée des thèmes que votre album va aborder ou pas encore? Ouais, bah quasiment tous les textes sont déjà écrits. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de thèmes? Alors, il y aura de l'amour, comme par hasard, et il y aura des chansons un peu marrantes qui sont écrites un peu comme on a sorti la chanson Kiev Chilny, qui est un peu rigolote, une chanson de fête. Puis il y aura des chansons de nostalgie, de pays natal, il y aura des chansons, voilà, c'est ça, et des chansons marrantes. Ouais. Comme ça, vous apprenez aussi un peu l'arménien en même temps, non? Moi, ouais, vite fait, très vite fait. Ouais. Il sait dire des trucs. Je sais dire quelques mots, mais je suis incapable de comprendre et de formuler une phrase, sauf si je l'ai appris par cœur et rabâché. Et on va finir sur vos prochaines dates, parce que là, vous allez jouer bientôt à 18h sous le chapiteau, mais j'imagine que c'est pas votre dernière date. Ouais, non. On a quand même plus grand chose là. On a quand même. Vous avez passé déjà bien l'été, je pense, sur les festivals. Non? Ouais. Là, on a prévu quand même de se concentrer bien vraiment sur l'écriture de cet album les mois à venir. Ça va être enfermement dans le studio. Ouais, carrément. Et juste oui, pour avant de finir quand même, j'avais vu que vous aviez été nommé au chantier des Franco. Ça vous a bien aidé, ça, je pense, non aussi. Ouais. Ouais, c'était cool. Après, ça nous a aidé parce qu'il y avait des coachs aussi qui ont travaillé avec nous. Et du coup, on a fait beaucoup de rencontres. On a eu des conseils aussi. Après, surtout les rencontres aussi qui sont intéressantes. Ouais, c'était cool. Après, ça arrivait à un moment où on avait déjà beaucoup de choses de prévues. Donc, on s'est pas trop rendu compte de l'impact vraiment du chantier. Écoutez, profitez bien de la scène du chapiteau tout à l'heure à 18h et merci beaucoup encore une fois Lana Niva. Merci beaucoup et puis bon courage pour tout à l'heure, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lana Niva. Tout de suite on va s'écouter justement un de vos morceaux. Alors